que le refrain. Allez. Refrain. Que le refrain. Do. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Qu'est-ce qui pourrait sauver? Do, la mineur, fa, sol. Do, la mineur, fa, sol. Et après l'autre. Allez. Non, pas de capot. Moi je joue comme ça. Bon allez je fais. Dernière fois après je me casse. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Et comment me trouver le bout de la vie qui pourra remplacer? Merde, j'arrive pas avec le synthétiseur. Bon, je vais une dernière fois, je me prends. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.